je finirais six pieds sous terre. Le plus dur c'était de me relever. T'as pas cru au karma, t'as pas cru à l'enfer. Quand je te souhaitais la mort sans regret. J'ai perdu ma dignité, j'ai perdu du poids. Tu m'as tout pris, j'ai même perdu la foi. Je voulais revenir en arrière tellement de fois. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Il n'avait rien de ce que j'aurais pu avoir. J'avais tout ce qu'il n'avait pas. Pouvais-tu te regarder dans un miroir? Quand tu lui as dit que tu m'aimais pas. Et que tu en sois témoin, je le jure. Je ne mentais pas quand je t'avais promis la lune. Et je supporte des gens qu'on avait en commun. Comme le karma avait croisé ton chemin. Il t'a mis la tête sous l'eau. Sous l'eau. Il t'a mis la tête sous l'eau. Sous l'eau. Il t'a mis la tête sous l'eau. Quand tu disais que tu m'aimais hier, hier, hier. Je me rappelle quand tout allait bien hier, hier, hier. Il ne te considérait pas comme sa femme. Il n'avait aucun respect pour toi. Tu ne t'attendais pas à ce retour de flamme. Et tu t'es mis à penser à moi. Tes regrets ne racheteront pas mes larmes. Maintenant il fait ce qu'il veut de toi. Et si par malheur tu ne te soumets pas, il va te passer à tabac. Maintenant tu vis dans la peur et dans le déni. Tu te sens trahi. Tu te souviens quand je t'avais maudit. Tu as fait tout ton possible pour m'oublier. Mais tu ne pourras plus jamais m'oublier. Je te laisse avec celui qui va t'humilier. Il t'a mis la tête sous l'eau. Sous l'eau. Il t'a mis la tête sous l'eau. Sous l'eau. Il t'a mis la tête sous l'eau. Sous l'eau. Il t'a mis la tête sous l'eau. Hey, as I see the gym, they can you. Yeah.